En tournée massive sur la supla. Original Big Red Panamax Center. Selecta. Arrête de jouer la carte de l'honnêteté. Prendre les gens pour des teubés. Tout le temps qu'en valet en ville, cette course contre la montre te rend débile. Tout le temps faire des promesses que jamais tu ne tiendras. Mais toi à confesse, tu l'as fait combien de fois? Tomber dans leur sale combine. Plein les oreilles, plein les yeux, s'il te plaît, arrête de parler de la France d'en bas. Parce que la France d'en haut a besoin des gens d'en bas. Tromper les gens impunément. Pourquoi tu respires comme tu mens? Tout le temps avoir l'air sympathique. T'es qu'un trou de cul antipathique. Tout le temps faire genre j'hallucine. Plein les oreilles, plein les yeux, s'il te plaît, arrête les Goods and Style. Arrête de Saga de ghetto style. Arrête de c'est pour les rude boy style. Arrête de un peu les sound boy die, die, die. Voir les coots and style. Arrête de Saga de ghetto style. Arrête de c'est pour les rude boy style. Arrête de arrête de montre-toi tel que tu es. Garde le bon, gère le mauvais. Montre-toi comme tu te connais. Qui sait mieux que toi où ça te mène de faire ça? Ne t'imagine surtout pas que cela te sauvera. Sais-tu où tu vas? Bouger tes fesses sous mon nez. T'agir comme un serpent de main empoisonné. Vouloir détourner le mec que tu n'as pas, qui t'a tout niqué. Arrête. Croire que t'es trop bonne, ça laisse croire que t'es trop conne. Arrête de faire la tasse B. Arrête. Tomber dans leur sale combine. Plein les oreilles, plein les yeux, s'il te plaît, arrête. Voir les Goods and Style. Arrête. Saga des ghetto style. Arrête. C'est pour les rude boy style. Arrête. Un peu les sound boy die, die, die. Voir les Goods and Style. Arrête. Saga des ghetto style. Arrête. C'est pour les rude boy style. Arrête. Arrête de tout le temps me dire d'arrêter. Laisse-moi vivre, laisse-moi penser. Arrête de me manipuler, de m'orienter. De me formater, de me programmer. Arrête de me taxer, me priver, me pomper, me stalker, m'empêcher de kiffer, m'emmerder. Arrête de me montrer toutes ces conneries, j'en ai plein les oreilles, plein les yeux, s'il te plaît, arrête. Voilà, écoute mon style, les vieux de ghetto style. C'est pour les rude boy style, et puis les sound boy die. Écoute mon style, les vieux de ghetto style. C'est pour les rude boy style, et puis les sound boy. Si jamais t'apprécies, lève tes mains vers le sky. Maximum de bruit si tu aimes ce style. Big Red Daddy, une amour d'un style. Plein les oreilles, plein les yeux,